بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي كالله تبارك وتعالى لفاس ميزيريكورد أدوني كونفرنس انتيتولي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أدوري الله et ne lui attribuer aucun associé. Et cette conférence a été retranscrite, puis imprimée. Et nous allons donc tenter de traduire les grandes lignes de cette conférence, ô combien bénéfique qu'Allah tabaraka wa ta'ala en récompense le Cheikh et qu'il lui fasse miséricorde ainsi qu'à l'ensemble des ulama de la sunna. J'insiste bien sur le fait que c'est une traduction des grandes lignes et que ce ne sera pas une traduction mot à mot. Cependant, nous allons faire en sorte de passer sur l'ensemble des points abordés par le Cheikh. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Le Cheikh a commencé sa conférence en disant: je t'adresse les louanges, ô Allah, toi qui nous as comblés du bienfait de l'islam. Et je salue et invoque en faveur de la meilleure de tes créatures et du plus méritant de tes messagers, ombragés par les nuées et privilégiés par plus grande intercession et par la noble position. J'invoque également en faveur des membres de sa famille, de ses compagnons et de ceux qui les auront convenablement suivis jusqu'au jour du rassemblement et de la résurrection. Et demande à Allah de les saluer. Cela étant dit, j'ai choisi pour vous le fait d'expliquer un verset issu du livre d'Allah, Azza wa Jal. Ce verset correspondant à la parole d'Allah, Azza wa Jal, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ce verset se trouve dans la sourate An-Nisa et c'est le verset numéro 36. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans la traduction approchée du sens de sa parole: adorez Allah et ne lui attribuez aucun associé. Soyez bienfaisants envers les parents, les proches, les orphelins, les nécessiteux, les proches voisins, les voisins étrangers, le compagnon, le voyageur, et ceux qui sont en votre possession. Certes, Allah n'aime pas les orgueilleux, vaniteux. Ce verset a réuni, en plus du fait d'avoir établi la base du dogme, de nombreuses formes de piété et de nombreux actes de piété. Et il faut savoir que les différentes législations célestes sont toutes en accord sur le principe de monothéisme pur, à savoir l'adoration exclusive d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même qu'elles sont toutes en accord sur l'interdiction du polythéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah, en plus du fait d'adorer Allah. Quant à la base du dogme, elle n'est autre que le fait de commander l'adoration exclusive d'Allah et d'interdire et de condamner le fait de lui accorder un associé. Et c'est là l'objet du prêche de l'ensemble des messagers, du premier au dernier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. La sourate An-Nahl, le verset numéro 36. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de dire: adorez Allah et écartez-vous du tagout. Le tagout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. De même qu'Allah Ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Et ce dans la sourate Al-Bayyinah, verset numéro 5. Il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif jusqu'à la fin du verset. De même qu'Allah Ta'ala a dit, cette fois-ci dans la sourate Ash-Shura, verset numéro 13, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il a légiféré pour vous en matière de religion ce qu'il avait commandé à Noé, c'est-à-dire Noé, ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons commandé à Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, et Isa, Jésus, à savoir, établissez la religion et ne vous divisez pas. Donc l'ensemble des législations sont en accord sur le sujet du monothéisme pur, le fait que seul Allah doit être adoré. De même qu'elles sont en accord sur l'interdiction formelle du fait d'accorder un associé à Allah, tabaraka wa ta'ala, le polythéisme, le shirk. De même que les raisons sont prédisposés à cela. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Ar-Rum, verset numéro 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dirige donc ta face vers la religion en t'écartant du polythéisme. Telle est la sainte nature à laquelle Allah a prédisposé les gens. Pas de changement à la création d'Allah. Telle est la religion de rectitude, bien que la majorité des gens ne sachent pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, a dit, tout nouveau-né vient au monde en étant prédisposés à la sainte nature. Ce sont ensuite ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen, et dans une variante ou un polythéiste. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en citant un exemple, de la même manière qu'une bête naît, vient au monde, normalement constituée, considérez-vous qu'elle aurait les oreilles coupées, jusqu'à ce que vous-même vous les coupiez, s'adresse ici, Naam, aux gens qui ont l'habitude donc d'élever les bêtes, en leur disant, à l'image d'une bête normalement constituée, qui vient au monde normalement constituée, considéreriez-vous qu'elle a les oreilles coupées, jusqu'à ce que vous-même vous les coupiez, c'est une image qu'il a donnée afin de faire comprendre donc ce qu'il avait dit au préalable en exposant le fait que tout nouveau-né vient au monde en étant prédisposé à la saine nature. Et ce sont ensuite ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen, et dans une variante, un polythéiste. Donc depuis sa création, le serviteur est prédisposé à la saine nature, à savoir le fait de connaître Allah, de se soumettre à sa majesté incommensurable et à l'adorer exclusivement, Azza wa Jal. Et c'est là le sens du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai créé, mais il dit donc en attribuant cela à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est un hadith divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte cela de son Seigneur souverain, Allah, Jalla wa Az, qui a dit, j'ai créé mes serviteurs comme de purs monothéistes. Ce sont ensuite les démons qui les font dévier. Donc nous avons abordé ici ce principe d'adoration, en voyant notamment le fait que Allah tabaraka wa ta'ala prédispose ses serviteurs à l'adorer exclusivement. Qu'est-ce donc que l'adoration? L'adoration, c'est le but pour lequel les gens ont été créés. Et c'est la sagesse qui réside dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait créé les gens. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Dhariyat, verset 56-57, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux ni d'eux qu'ils me pourvoient en subsistance, ni d'eux qu'ils me nourrissent. Les ulama, certains parmi les ulama, ont défini l'adoration en disant que c'est le fait de s'humilier et de faire preuve d'indigence face à celui qui détient le pouvoir de juger et de décréter. Et d'autres ulama ont défini ce principe d'adoration, al-ibada, en disant que c'est un terme à portée générale, qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et acte, qu'il soit apparent ou intérieur. C'est un terme à portée générale qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, qu'il soit apparent ou intérieur. Comme parole et acte. Le fait que les actes soient stipulés indique que l'accomplissement des ordres donnés dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que le fait de délaisser ce qui est interdit et réprouvé dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, est inclus dans l'adoration. Cela fait partie des actes. L'adoration, c'est une obligation. Qu'il est impératif d'accomplir. Et cette obligation est établie aussi bien sur le plan religieux que rationnel. Sur le plan religieux, du fait que le Coran, dans son intégralité, appelle à cela. Sur le plan rationnel, dans le sens où il est connu de tout être doué de raison, qu'il est impératif de chercher à se rapprocher et à être aimé de celui entre les mains de qui réside ton bien, ainsi que le mal qui te touche, ce qui t'est profitable, de même que ce qui t'est nuisible, ce qui provoque ta richesse, de même que ce qui peut précipiter ta pauvreté, de ce qui peut causer ta santé ainsi que ta maladie, et celui entre les mains de qui réside ta vie et ta mort, ton bonheur et ton malheur. Donc sur le plan rationnel, cela est également établi. Et le Coran a clarifié cela dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Baqarah, versets 21 et 22, « Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum la'allakum tattaqoon, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha, was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. » Ô vous les gens, adorez votre Seigneur souverain, qui vous a créé, et qui a créé ceux qui vous ont précédé, afin que vous le craigniez pieusement. Il est celui qui a fait pour vous de la terre un lit, et du ciel un toit, et qui a fait descendre du ciel une eau, par laquelle il fait pousser des fruits, en tant que subsistance pour vous. N'attribuez donc pas à Allah des égaux, alors que vous savez N'attribuez donc pas à Allah des égaux, alors que vous savez. Il est donc obligatoire aux serviteurs d'adorer exclusivement Allah, qui les a fait exister après qui n'eût été rien, qui les a fait marcher, et qui leur a enseigné ce qu'ils ne savaient pas, et qui a fait d'eux une adhérence, après qu'il n'eût été qu'une goutte, puis a fait d'eux un morceau de chair, après quoi il a fait d'eux des êtres de chair et de sang, sur qui il a façonné des nez et des yeux, des langues, à l'aide desquelles ils peuvent s'exprimer, des mains et des pieds. Et c'est lui qui les a créés de cette manière harmonieuse et parfaite. Béni est Allah, le meilleur créateur. Et tout cela est énoncé de manière brève dans le Coran, dans le sens où Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit, Ya ayyuhan nas, abudu rabbakum, alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur souverain qui vous a créé. Et plusieurs passages coraniques établissent cela, dans le sens où dans plusieurs passages coraniques, Allah tabaraka wa ta'ala a orienté l'être humain vers le fait de reconnaître cette chose-là, de même que dans plusieurs passages coraniques, nous trouvons que l'être humain est appelé à se réveiller de son long sommeil afin de prendre conscience de ces choses-là. De même que dans de nombreux passages coraniques, Allah tabaraka wa ta'ala incite l'être humain à méditer sur son origine. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une eau éjaculée, issue d'entre les lombes et les côtes. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, le verset précédent donc était dans la sourate At-Tariq, verset 5 à 7, et il a dit dans la sourate Al-Mursalat, les versets 20 à 23, أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Nous vous avons pas créé d'une ville que nous avons placée dans un reposoir sûr pour une durée connue. Nous l'avons décrété ainsi. Et nous décrétons tout de manière parfaite. De même que nous trouvons dans un hadith authentique, rapporté par Ibn Mas'ud, que ce dernier, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agré, a questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en ces termes. Quel est le plus grave des péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est que tu attribues à Allah un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. Puis il lui a dit, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, puis, c'est que tu tues ton enfant par crainte qu'il n'ait à manger en ta compagnie. Puis il lui a dit, et suite à cela, et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Donc si nous prenons conscience du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui observera ce devoir-là, à savoir le fait de l'adorer exclusivement et de ne rien lui associer dans son adoration. Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait la promesse du paradis en fonction de ses œuvres. alors nous retrouverons ce qui est énoncé dans un hadith authentique. D'après Mu'ad ibn Jabal, radiallahu an, qui était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ô Mu'ad, sais-tu ce qu'est le droit dont Allah dispose sur ses serviteurs? Mu'ad lui a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, le droit dont Allah dispose sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui accorde aucun associé. Puis il a continué en disant à Mu'ad, et sais-tu ce qu'est le droit dont les serviteurs disposent sur Allah si jamais ils font cette chose-là? Mu'ad a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le droit dont ils disposent sur Allah, c'est qu'il ne les châtie pas si jamais ils font cela. C'est-à-dire s'ils l'adorent exclusivement sans rien lui associer. Ubada ibn Samit, radiyallahu anhu, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que Isa est le serviteur d'Allah ainsi que son messager, et le fruit de sa parole qu'il fit descendre sur Maryam, ainsi qu'une âme venant de lui, et que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah l'introduira au paradis en fonction de ses œuvres. Et ce hadith, il a été recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Donc nous nous rendons compte du fait que l'adoration, c'est la cause du salut. L'adoration, c'est la cause du salut. Et le devoir qui est mentionné dans ce hadith, en faveur des serviteurs, est un devoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est rendu à lui-même obligatoire. Dans le sens où aucune de ses créatures ne lui a rendu cela obligatoire. C'est lui-même qui se l'est rendu à lui-même obligatoire. Allah tabaraka wa ta'ala s'est rendu obligatoire le fait d'introduire au paradis quiconque concrétiserait cette chose-là, à savoir le fait de l'adorer exclusivement et de ne rien lui associer dans son adoration. Et rien ni personne ne lui a rendu cela obligatoire. C'est lui-même qui se l'est rendu à lui-même obligatoire. Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et ne lui attribuez aucun associé. Il faut que tu saches que l'adoration que nous avons précédemment décrite, c'est l'adoration qui est dépourvue, dénuée, exempte de tout polythéisme. Car religieusement parlant, l'adoration n'est considérée adoration qu'à condition qu'elle soit exempte de polythéisme. Et toute adoration qui serait mêlée à du polythéisme serait rejetée. Allah Ta'ala a dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, Il ne leur était ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyina, verset numéro 5. De même qu'il a dit, Ta'ala, soit exalté, Ala lillahi dinul khalis, dans la surat al-Zumar, verset numéro 3. Le culte exclusif revient à Allah seul. De même qu'il a dit dans la surat al-Kahf, le verset numéro 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère donc la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres, et qu'il n'attribue aucun associé à son Seigneur souverain dans l'adoration qu'il lui voue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal a dit, je suis celui qui se passe le plus de polythéisme. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'accorde un associé, je le délaisserai lui ainsi que son polythéisme. Et ce hadith a été recueilli par Muslim d'après un récit de Abu Huraira. Il faut savoir que le polythéisme revêt plusieurs formes. Et la pire forme de polythéisme, c'est d'avoir la conviction qu'une créature mérite d'être adorée. Et cela se manifeste notamment à travers diverses formes de polythéisme majeur. Polythéisme majeur, c'est celui qui fait sortir de la religion. Notamment le fait d'avoir la conviction que des créatures possèdent des particularités qui sont propres à Allah Azza wa Jal. À titre d'exemple, quiconque aurait la conviction qu'une créature détient le pouvoir de faire tomber la pluie ou de guérir un malade ou de connaître ce qui est caché et fait partie donc du domaine du caché, qu'une créature aurait le pouvoir de préserver l'embryon dans le ventre de sa mère, ou qu'il aurait encore le pouvoir de lui donner la vie, aura au final attribué un égal à Allah dans le droit qu'il détient exclusivement d'être adoré, et de ce fait, celui qui se rendrait coupable de cela mériterait de s'éterniser en enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et il y a de nombreux exemples qui peuvent être cités, qui ont été cités par le Cheikh, et qui malheureusement sont des pratiques qui sont répandues. Comme le fait que certaines personnes apportent foi au fait que certaines créatures auraient le pouvoir de provoquer une grossesse chez une femme. Et cela correspond donc à certaines superstitions et à certaines croyances qui malheureusement sont présentes dans certaines contrées. En effet, certaines personnes considèrent qu'il est des créatures qui ont le pouvoir, en tapant le dos d'une femme qui est en train de se laver du sang des règles, de provoquer le fait qu'elle soit enceinte durant la période qui va suivre la période de règles en question. Et si effectivement elle est enceinte, à partir de ce moment-là, il lui ordonne d'appeler l'enfant en lui attribuant leur propre nom. Et ils considèrent que ce sont eux qui ont attribué l'enfant à la femme en question. Également, il est certaines personnes qui placent des amulettes sur la main d'une femme qui souhaite un enfant, en considérant que cela va avoir comme répercussion que l'embryon sera protégé et qu'il ne mourra pas dans le ventre de sa mère. Également, il y a des personnes qui jettent des sorts à des bêtes afin qu'elles ne soient pas attaquées et mangées, dévorées par des bêtes féroces. Et il y en a d'autres qui en viennent à masser ou à poser leurs mains donc sur certains endroits du corps d'un malade en prétendant qu'à partir de là, le malade va guérir. Et ils considèrent que la guérison vient de eux-mêmes et non pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont donc des imposteurs, des charlatans. Ils viennent poser leurs mains sur le malade. Ce sont ce qu'on appelle donc les guérisseurs. Et qui considèrent qu'ils guérissent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que la guérison est uniquement entre les mains d'Allah azza wa jal. Et le shir veut dire que ce genre de pratique là était très répandu dans sa région, et ce jusqu'à ce que ne vienne le shir Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi et qu'il éradique toutes ces pratiques là par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le shir a continué en citant de nombreux autres exemples qui vont dans ce sens. Après quoi il a dit, quiconque apporte foi à ce genre de choses-là et prétend ces choses-là est un polythéiste ayant associé à Allah et ayant commis du polythéisme majeur. Puis il a cité un certain nombre de superstitions qui toutes vont dans ce sens-là. Parmi ces superstitions-là, le fait que certaines personnes croient que lorsque un homme perd plusieurs de ses enfants, alors cela signifie que dans son épouse ou dans l'aîné parmi ses enfants, il y a un djinn qu'ils appellent donc Shou'i. Et à partir de là, certaines personnes faibles d'esprit en viennent à amener leur épouse ou l'aîné parmi leurs enfants vers un charlatan, un imposteur, un sorcier. Et c'est à ce moment-là qu'il en vient à utiliser toutes sortes d'amulettes et de talismans en les mettant donc sur le corps de la femme en question ou de l'enfant. Et à ce moment-là, ils en viennent à faire certaines manipulations jusqu'à faire sortir, soi-disant, de la femme en question ou de l'enfant un oiseau minuscule qui en réalité est un insecte minuscule. Et ils prétendent que cette chose-là, c'est le djinn qui était donc à l'intérieur de la femme ou de l'enfant en question, et donc ils viennent prétendre que c'est eux qui ont fait sortir le djinn en question, qui était la cause de la mort des enfants et qui en réalité était celui qui venait tuer les enfants de l'homme en question. Et à partir de là, donc ils disent, égorger telle ou telle bête, donc bien sûr une bête noire, de couleur noire, et ensuite distribuez-en la viande. Et si jamais vous avez par la suite un enfant, alors appelez-le Shou'i. Et si c'est une fille, appelez-la Shou'iya. والعياذ بالله. أي نعم. Fait partie également de ce genre de pratique mauvaise le fait de se rendre chez les devins et autres astrologues qui prétendent, à titre d'exemple, connaître le nom du futur enfant et savoir si il va être une cause de bonheur ou pas. De même que ces devins et autres astrologues sont consultés afin de savoir durant quelle nuit il est bon de se marier ou pas. Et donc certaines personnes faibles d'esprit se rendent auprès de ces devins et de ces astrologues et autres voyants en les consultant et en leur demandant conseil. Est-ce qu'il est préférable qu'ils se marient durant telle nuit ou durant telle nuit? Est-ce que telle nuit sera une nuit prolifique? Est-ce que si ils se marient telle nuit, alors à ce moment-là, ce mariage sera une réussite, qu'il y aura beaucoup d'enfants et que ça va être une cause de bonheur? Ou est-ce qu'au contraire, si elle se marie telle ou telle nuit, eh bien, ça va causer le malheur dans le couple et le fait qu'il n'y aura pas d'enfants? Et les mensonges et affabulations de ce style sont nombreuses chez les devins, et ces devins réussissent malheureusement à duper et à tromper bon nombre de gens parmi la masse et parmi les personnes qui sont faibles dans leur religion. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se présente à un devin et apporte foi en ce qu'il dit aura certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons dit, il en est de même concernant les différents devins, charlatans et voyants qui prétendent connaître l'endroit dans lequel se trouve tel ou tel objet qui a été perdu par la personne qui vient les consulter. Et qui prétendent donc, au final, connaître ce qu'on appelle el-ghaib, ce qui est caché. Non ? Or Allah tabaraka wa ta'ala a dit: alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dans la sourate al-Jin, et ce sont les versets 26 et 27, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: parfait savant de ce qui est caché, il ne laisse apparaître cela à personne hormis au messager qu'il agrée et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Et il a également dit dans la sourate Luqman, le verset numéro 34: Inna Allah 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. C'est auprès d'Allah que réside le savoir relatif à l'avènement de l'heure. C'est lui qui précipite la pluie salvatrice et détient le savoir de ce qui est dans les matrices. Aucune âme ne sait ce qu'elle a acquis pour demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah détient le parfait savoir de tout ce qui est apparent et caché. Et toutes ces superstitions-là relèvent du polythéisme majeur, al-shirk al-akbar. Cette même forme de polythéisme qui n'est pas pardonnée par Allah, tabaraka wa ta'ala, il a dit dans la sourate An-Nisa, le verset numéro 48: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, wa man yushrik billah فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelque associé, et il pardonne en dessous de cela des péchés moins graves à qui il veut. Et quiconque attribue à Allah un associé a certes commis un péché immense. De même que cette forme de polythéisme entraîne celui qui s'en rend coupable dans le feu de l'enfer, et ce de manière éternelle, et cause le fait qu'il lui soit interdit d'accéder au paradis. L'exalté a dit, en faisant mention de ce qui a été déclaré par Isa, Jésus, Ibn Maryam, le fils de Marie, « Ya bani Israël, a'budu Allah rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billahi faqad harram Allah alayhi al-jannah, wa ma'wahu al-nar, wa ma lil-zalimin min ansar. » Dans la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 72. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en faisant mention donc de ce que Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur souverain ainsi que le vôtre. Certes, quiconque associe ou attribue un associé à Allah, Allah lui interdira le paradis et son refuge sera l'enfer. Et les injustes ne bénéficieront pas de secoureurs. De manière absolue, nous déclarons que le fait d'attribuer un associé à Allah, le polythéisme, est le plus grave des péchés. Le polythéisme, c'est ce péché qui est le plus grave des péchés par lequel la créature peut désobéir à Allah, et ce de manière absolue. Et nous avons précédemment fait mention du hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, quel est le plus grave des péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est que tu attribues à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Puis il a dit, et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, puis c'est que tu tues ton enfant par peur qu'il ne mange en ta compagnie. Puis, Ibn Mas'ud lui a dit, et suite à cela, et à ce moment-là, le prophète alayhi salam a dit, c'est que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Donc, nous nous rendons compte ici que le polythéisme a été mentionné avant même le fait de tuer son enfant. Bien que le fait de tuer son enfant compte parmi les plus grands crimes. Et parmi les choses les plus répréhensibles. Car cela revient à tuer une âme soumise à Allah tabaraka wa ta'ala. Or Allah a dit, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. Dans la sourate An-Nisa, dans le verset numéro 93, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera la géhenne dans laquelle il s'éternisera. Et Allah sera en colère contre lui et le maudira. Et a préparé pour lui un châtiment immense. De même que le fait de tuer son enfant revient à s'en prendre à un faible. Or Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de lui, ma colère s'intensifie sur toute personne qui sera injuste vis-à-vis de ceux qui n'ont d'autres secoureurs que moi. De même que le fait de tuer son enfant constitue une manière de rompre les liens de parenté. Or Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Muhammad, le verset numéro 22, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? De même que le fait de tuer son enfant par crainte, par peur qu'il ne mange en ta compagnie, revient à désespérer de la miséricorde d'Allah et à avoir une mauvaise opinion de ce dernier, Azza wa Jal. Or Allah l'exalté a dit, قَالَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Qui d'autre que des égarés peuvent désespérer de la miséricorde d'Allah? Le troisième acte criminel qui est mentionné dans ce hadith et qui vient donc en troisième position après le polythéisme et le fait de tuer son enfant, c'est le fait de forniquer avec l'épouse du voisin. Et c'est là quelque chose d'immonde. C'est un grand crime. C'est une perversité ignominieuse. Et c'est également une opposition au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, comme nous le trouvons dans la sourate Al-Hujurat, le verset numéro 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et avons fait de vous des nations et tribus, afin que vous fassiez connaissance. Et cela ne peut se concrétiser que par le fait justement de respecter ce genre de principe-là, le principe du mariage et ce qui s'y apparente. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Furqan, le verset numéro 54, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. Il est celui qui a créé à partir de l'eau une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Et ce n'est que par le mariage que ces liens-là peuvent être entretenus et respectés. Quant à la fornication, c'est une voie menant au désordre, c'est un mode de vie animal, et c'est un crime vis-à-vis de l'enfant qui va naître de cette relation illicite, cet enfant qui n'aura pas de lignée, cet enfant qui n'aura pas de père pour l'éduquer et pour le défendre. C'est donc un crime vis-à-vis de lui. Il n'aura pas de famille, il n'aura pas de tribu pour venir le protéger et le représenter. Tel est donc le verdict lié à la fornication. Et encore pire que cela, le fait que la fornication touche la femme du voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous fornique avec 10 femmes est préférable au fait qu'il fornique avec la femme de son voisin, dans le sens où c'est encore pire. Et la gravité du péché est décuplée du fait que ce crime soit perpétré avec la femme du voisin. Et ce crime-là vient donc en troisième position après le polythéisme. Le fait d'attribuer un égal à Allah et après le fait de tuer son enfant. Après avoir pris connaissance de cela, est-il permis à l'individu de venir minimiser de la gravité du polythéisme? Quand tu te rends compte de la gravité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé. Et que tu te rends compte que c'est encore pire que ces crimes-là. Est-il permis à qui que ce soit de venir minimiser de la gravité de cette chose-là? Seul quelqu'un qui n'estime pas Allah sa juste valeur peut en arriver à minimiser de la gravité du polythéisme. Et ceux qui se rendent coupables de cela subiront justement rabaissement et humiliation le jour de la résurrection. Allah l'exalté a dit, sourate al-Furqan, verset 67, excusez-moi, 68 à 69, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Qui n'invoque pas avec Allah d'autres divinités et ne tue pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf de bon droit et qui ne fornique pas. Car quiconque fait cela encourra une punition, un châtiment qui lui sera décuplé le jour de la résurrection et qu'il subira éternellement couvert d'ignominie. Il est d'autres formes de polythéisme qu'il est impératif de dénoncer afin de prévenir la masse des gens du fait de leur propagation. Parmi ces formes de polythéisme, le fait d'accrocher des amulettes, des talismans, des os ou des yeux d'animaux, afin de repousser les démons, ou encore le fait que certains enfants, après qu'ils aient été circoncis, se voient accrocher au cou l'instrument à l'aide duquel ils ont justement été circoncis. Non, ce sont des choses qui dépassent l'entendement, mais qui sont présentes. Les superstitions qui défient toute logique, tout entendement, mais qui malheureusement sont présentes. Le fait de venir poser des graines, na'am, ou des instruments ou sous le lit du nourrisson afin de le protéger des démons, ou le fait de venir accrocher des graines ou des instruments ou des choses de ce genre afin de repousser le mauvais œil, et ainsi de suite, autant de superstitions auxquelles bon nombre de gens apportent foi et qui constituent des formes de polythéisme qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque attache son cœur à une chose s'y verra délaissé. Et la personne elle attache son cœur à des objets et elle s'y cramponne et s'y attache. Non, eh bien, elle y est délaissée. Elle est délaissée à ces choses-là. Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Le shir de continuer en abordant le cas des amulettes qui contiendraient des versets coraniques. Il a expliqué que le plus correct à ce sujet est de considérer que ces amulettes-là ne sont pas permises, car elles exposent le Coran au fait d'être méprisées. Car la femme qui est en période de règles va être amenée à porter ces amulettes contenant des versets coraniques. Et éventuellement, elle va rentrer aux toilettes avec, de même que l'homme. De même que l'enfant qui ne va pas y faire attention, il ne va pas faire attention, il va porter donc ses versets coraniques sur lui et il va rentrer dans des endroits où il n'a pas à entrer. Idem pour l'homme qui va forcément à un moment donné porter sur lui ces versets coraniques alors qu'il est dans un endroit ou dans une position qui ne sied pas à l'immensité du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, le plus correct, c'est de dire que même si ces amulettes ne contiennent que des versets coraniques, il n'est pas permis de les porter et de les attacher. Quant à ce qu'on appelle l'exorcisme, al-ruqya, ce sont ces formules d'incantation religieuse qui ont pour vocation de soigner le malade de diverses sortes de maladies. Il faut savoir que ces incantations-là sont permises sous trois conditions. La première condition, c'est qu'elles soient issues du livre d'Allah Azawajal ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition, c'est qu'elle soit formulée en langue arabe. Et la troisième condition, c'est que l'individu garde dans son cœur le fait que ses incantations ne sont que des causes et que c'est Allah qui guérit, que c'est Allah le guérisseur. Et en aucun cas, l'individu ne doit avoir de conviction particulière dans cette chose-là. Mais il doit garder à l'esprit que cette chose-là, donc cette incantation en question, ou ces incantations, n'est ou ne sont que des causes. Et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guérit. Quand on fait de jurer par autre qu'Allah, il faut savoir que c'est du polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui veut jurer, jure par Allah ou se taise. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par autre qu'Allah, a attribué un associé à Allah. Et dans un autre hadith, il a dit, quiconque jure par le sens de l'honneur, n'est pas des nôtres. Le shir, d'insister sur ce point en disant celui qui n'est pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de sa communauté, comment peut-il espérer l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection? Et comment peut-il espérer faire partie de cette communauté à qui miséricorde est faite, cette parole de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un désaveu visant le polythéisme et ses adeptes. Il est donc obligatoire aux musulmans de prendre garde au fait de jurer par autre qu'Allah, en jurant par sa parole, ou en jurant par de la nourriture, ou par de la boisson, comme certains le font là aussi, ou en jurant par le sens de la fraternité ou autre. Car jurer revient à magnifier ce par quoi on jure. Or, quiconque en vient à magnifier autre qu'Allah, lui aura attribué un associé. Le fait de jurer par autre qu'Allah est une forme de polythéisme mineure. Sauf si l'individu en vient à considérer autre qu'Allah aussi grand qu'Allah, ou plus grand encore. Et parmi les exemples relevant du polythéisme majeur se manifestant dans le fait de jurer par autre qu'Allah, on retrouve les agissements de certaines personnes qui, lorsqu'elles sont accusées d'une chose et qu'on leur demande de jurer par Allah, elles n'ont aucun mal à jurer et à jurer et à jurer encore, tout en mentant sciemment, en connaissance de cause. Mais si jamais on leur dit, après les avoir accusées d'une chose, jure par tel ou tel saint ou tel cheikh, à ce moment-là, elles sont prises de peur et elles avouent leurs méfaits et refusent de jurer par eux tout en mentant. Et c'est là sans nul doute une forme de polythéisme majeur qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Quant à la preuve appuyant le fait qu'à la base juré par autre qu'Allah fait partie du polythéisme mineur qui ne fait pas sortir de la religion, c'est ce que nous retrouvons dans les deux recueils authentiques comme récit dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé un jour Omar ibn al-Khattab alors que ce dernier disait sur la tête de mon père. Il a juré sur la tête de son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui parmi vous veut jurer, jure par Allah ou se taise. Cela prouve donc le fait que jurer par autre qu'Allah s'entendait parfois de la bouche de certains compagnons avant que cela ne soit interdit. Avant que cela ne soit interdit. Également, parmi les preuves appuyant le fait que jurer par autre qu'Allah à la base et du polythéisme mineur qui ne fait pas sortir de la religion, il y a le récit de la vision de Tufail qui a dit, je me vis en rêve abordant un groupe de juifs en leur disant, vous seriez vraiment des gens de bien si seulement vous ne disiez pas Uzair est le fils d'Allah. Ils me répondirent, mais vous aussi, vous seriez des gens de bien si vous ne disiez pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad. Et si seulement vous ne juriez pas par la Kaaba. Je passais ensuite à côté d'un groupe de chrétiens et leur dis, vous seriez vraiment des gens de bien si seulement vous ne disiez pas Isa, Jésus, et le fils d'Allah. Ils me répondirent, mais vous aussi, vous seriez des gens de bien si vous ne disiez pas c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed, et que vous ne disiez pas par la Kaaba. Le matin venu, je racontai ce rêve à certaines personnes, puis je vins trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informer de mon songe. Il me dit, en as-tu parlé à quelqu'un? Je répondais affirmativement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça alors un sermon en commençant par louer et remercier Allah, puis il dit, ensuite, Tufail a vu ou a fait un rêve et en a fait part à certains d'entre vous. Vous disiez auparavant une parole que, pour telle et telle raison, je ne vous interdisais pas de prononcer. Ne dites donc plus, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Mohammed, mais dites plutôt, c'est selon la volonté d'Allah seul, et ne jurez pas par autre qu'Allah, dans le sens approximatif de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve donc que le fait de jurer par autre qu'Allah était permis dans un premier temps, avant que cette permission ne soit abrogée par l'interdiction. Et cela prouve que cela relève du polythéisme mineur et Allah est plus savant. Donc le fait que, à la base, c'était permis au début de l'islam, et qu'ensuite ça a été abrogé, prouve que ça relève du polythéisme mineur, dans le sens où si ça avait fait partie du polythéisme majeur, ça n'aurait pas été permis dans un premier temps. Et Allah Azza wa Jal est plus savant. Il nous reste à aborder le cas du polythéisme caché, correspondant à l'ostentation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la chose que je crains le plus pour vous est le polythéisme caché. Et il fut alors questionné à son sujet, et il a répondu, c'est l'ostentation. Je reprends, le prophète a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Et il a été questionné à son sujet, et il a dit, c'est l'ostentation. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, nous trouvons que ce dernier a relaté le fait qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à eux alors qu'ils étaient en train d'évoquer le cas du faux messie, Ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit, ne vais-je pas vous informer de ce que je crains le plus pour vous, encore plus que le faux messie? Nous avons dit, évidemment, au messager d'Allah. Et il a à ce moment-là dit, c'est le polythéisme caché qui se manifeste dans le fait que l'homme se lève pour prier et qu'il embellisse sa prière à cause du fait qu'il voit qu'un homme est en train de le regarder. Et ce hadith, il a été recueilli par Ibn Majah. De même qu'il a été rapporté de Shaddad ibn Aws que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour les membres de ma communauté, c'est qu'ils attribuent les associés à Allah. Je ne vise pas par là le fait qu'ils adorent le soleil, la lune ou des idoles, mais plutôt le fait qu'ils accomplissent des actes pour autre qu'Allah et qu'ils tombent dans des passions pernicieuses et cachées. Et ce hadith, il a été recueilli par Al-Hakim Al-Tirmidhi. Et il a été rapporté d'après Yazid ibn Habib, sans que l'intermédiaire entre le dernier rapporteur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit mentionné. L'intermédiaire entre le dernier rapporteur mentionné dans la chaîne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit mentionné. Tout en sachant que Ibn Lahi'a est présent dans la chaîne de transmission de ce hadith. Mais il a donc été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à propos des passions pernicieuses et cachées, et qu'il a répondu, c'est le fait que l'homme apprenne le savoir en aimant que les gens s'assoient auprès de lui. Pause, mais non, pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cela étant établi, il faut que tu saches que l'ostentation est de deux sortes. La première, c'est celle qui, à la base, pousse à œuvrer et qui relève du polythéisme majeur et qui correspond à l'ostentation des hypocrites à propos de qui Allah tabaraka wa ta'ala a informé du fait qu'ils prient lorsque les gens les voient et qu'ils délaissent la prière lorsque les gens ne les voient pas. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à leur propos dans la sourate An-Nisa, versets 142-143, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils le font avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine évoquent-ils Allah. Ils sont indécis, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare ne trouvera jamais de chemin pour lui. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Ma'un, les versets 4 à 7, « فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ » الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Malheur à ceux qui prient tout en étant distraits dans leur prière et qui le font par ostentation et refusent l'ustensile à ceux qui en ont besoin. Tout cela donc relève du polythéisme majeur et constitue de la mécréance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et provoque l'éternité en enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la sourate Maryam, le verset numéro 60, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf ceux qui se repentent, croient et font le bien. La deuxième sorte d'ostentation, c'est celle qui se présente à l'œuvre de manière ponctuelle. Et il y a deux cas de figure là concernant. L'ostentation qui va prendre le dessus sur le serviteur et ainsi annuler l'intégralité de son œuvre. Qu'Allah nous en préserve. Et le deuxième cas de figure, c'est lorsque l'ostentation en question se présente au serviteur lors de son adoration et qu'il la chasse. À ce moment-là, l'ostentation qui se sera mêlée à l'adoration en question viendra diminuer de la valeur de cette dernière sans pour autant l'annuler. Parmi les éléments les plus dissuasifs condamnant l'ostentation, il y a ce hadith authentique qui a été rapporté par Abu Huraira, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les premières personnes à l'encontre de qui le feu de l'enfer sera attisé le jour de la résurrection sont au nombre de trois. Et parmi elles, un homme qui avait pour habitude de réciter le Coran. Il sera présenté le jour de la résurrection. Et Allah lui fera reconnaître les bienfaits qu'il lui avait attribués. Puis il lui dira, « Ya Abdi, ô mon serviteur, qu'as-tu donc fait avec cette chose que je t'ai attribuée ?» Et il dira, « Ô Seigneur, tu m'as enseigné le Coran et je l'ai récité de jour comme de nuit. » Et il citera également d'autres choses. Après quoi Allah Jalla wa Ala dira, « Tu as menti, car en réalité, tu n'as récité le Coran que pour qu'il soit dit qu'un tel récite le Coran. » Et cela a été dit. Et c'est alors qu'il sera jeté dans le feu de l'enfer. Puis, un homme qui était connu pour lutter et combattre dans le sentier d'Allah sera présenté de la sorte. De même que quelqu'un qui était connu pour faire largesse des richesses qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait attribuées. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Abu Huraira, ces gens-là sont les premiers à l'encontre de qui le feu de l'enfer sera attisé le jour de la résurrection. Sahl ibn Abdullah al-Tustari a dit, l'ostentation est de trois sortes. Celle qui est à la base, ou qui se présente à la base de l'œuvre, et qui fait que l'œuvre à la base est accomplie pour autre qu'Allah. Alors que celui qui l'accomplit veut que les gens pensent qu'elle est vouée à Allah. Et cette forme d'ostentation relève de l'hypocrisie et correspond à un doute relatif à la foi. La deuxième sorte d'ostentation, c'est celle qui se présente à l'œuvre qui à la base a été accomplie pour Allah. Le serviteur qui accomplit cette œuvre-là, bien qu'il l'ait accompli pour Allah à la base, lorsqu'il se rend compte qu'autre qu'Allah prend connaissance de cette œuvre-là, il devient plus motivé que ce qu'il ne l'était au début. Cette personne-là, si elle se repent, il convient qu'elle recommence l'œuvre qu'elle avait accomplie. Et la troisième sorte d'ostentation, c'est celle qui vient s'introduire dans une œuvre qui à la base a été accomplie sincèrement pour Allah et qui jusqu'à la fin était vouée exclusivement à Allah. Mais lorsque celui qui l'a accomplie a été connu auprès des gens du fait qu'il accomplissait telle ou telle œuvre, et lorsque les gens ont commencé à vanter ses mérites du fait de l'œuvre qu'il avait accomplie, eh bien il est réjoui par cette chose-là et il est apaisé à l'idée que les gens disaient du bien de lui du fait qu'il œuvre bien. Et c'est là justement l'ostentation qui est interdite et réprouvée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous continuerons donc demain بإذن الله تعالى sur ce sujet et nous compléterons ce passage lié à l'ostentation et nous tenterons d'achever la traduction des grandes lignes de cette épître. Béni inshallah, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أكمل الخير.